Musique, poésie, slam, humour, soyez l'un des 32 artistes à participer à notre concours. Vous pourriez gagner un spectacle avec cachet dans la programmation 2019 de la Korigane, une campagne publicitaire d'une valeur de 1 000 $ à CKRL, une session live enregistrée ou encore une séance photo professionnelle. Inscrivez-vous dès maintenant sur notre site ckrl.qc.ca. Bonsoir, bonsoir chers auditeurs et auditrices et bienvenue à l'émission Terra Incognita. On s'imagine qu'avec un temps pareil, vous êtes installés bien au chaud et que vous écoutez votre émission de radio de rock progressif, votre rendez-vous hebdomadaire. Eh bien, on a des nouveautés de 2019 déjà, là, ça fait 3 semaines, il y a des albums qui sont sortis et on aura également des extraits d'albums qui vont sortir là, au courant des prochains mois. Prochaine semaine. On aura d'ailleurs le nouveau RPVL. En fait, il n'est pas sorti encore. Là, il va sortir le 22 mars. Ça a été publié sur la page de Terra Incognita la semaine dernière. Tales from Outer Space. Il y a une pièce là, qui est disponible, A New World. On écoutera cette pièce-là. C'est leur 7e album, c'est comme je le disais, le 22 mars, ça va paraître. Puis, on le voit sur la pochette, là, on a vu le visuel. On aura cette histoire là, qui parle de l'espace, de la conquête de l'espace. On aura également nouveauté de Tim Bonus aussi, de son album qui va paraître le 1er mars. Aussi, Michel en a parlé sur la page Facebook, l'album Flowers at the Scene qui va paraître bientôt. C'est son 9e album. Tim Bonus, qui était, vous le savez, le compère de Steven Wilson pour le groupe No Man. On aura également comme nouveauté Métaphore. C'est un groupe, en fait, ça faisait des années qu'on n'avait pas entendu parler d'eux. Fondé en San Francisco dans les années 90, ils avaient fait paraître 2 albums en 2000-2004 qu'on avait fait jouer pas mal dans les premières années de nos émissions en 2004. D'ailleurs. Puis, ils font un retour sur disque après 12 ans d'absence. Métaphore, donc, l'album The Pearl. C'est un album... moi, ça me fait penser un peu à Third Degree par moment, en lien avec le vocal, la façon d'approcher ça. Puis, il y a beaucoup de changements, beaucoup d'exploration de plusieurs styles. Bon, il y a quelques... En fait, je pense pas que ça va être l'album de l'année, mais il y a des bonnes pièces. Et on débutera ce soir, donc, avec la formation Métaphore de leur nouvel album The Pearl, la pièce Bruises and Blisters. Ce sera suivi de Yuka Econoship. Et ça, c'est une des pièces qu'on n'avait pas fait jouer encore, qui fait partie de la longue pièce, The Argo Suite, la pièce Landing. Et on aura la nouvelle pièce de RPVL, A New World. My wallet, then they took my rings.

Le groupe allemand RPVL, ça, c'est, ça va paraître sur leur nouvel album Tales from Outer Space, qui va paraître le 22 mars. Et c'était la pièce New World. C'est leur 7e album en carrière. Un groupe qu'on a eu l'occasion de voir ici à Québec dans le cadre de Terra Incognita, du festival Terra Incognita. Et ils avaient donné tout un spectacle. Ben, ils sont venus plus qu'une fois d'ailleurs. La dernière fois, là, avec leur hommage à Pink Floyd, là, The Man and the Journey, là, qui était une reproduction d'un spectacle qui était assez rare là, de Pink Floyd. Mais en solo, ils ont quand même leur style à eux. Évidemment. Alors, on a bien hâte d'entendre l'album au complet. Juste avant, il y avait du Japon, Yuka et Chronoship, tiré de l'album Argos, leur plus récent album. Là. L'album Ship, pardon, c'était un extrait de la pièce de The Argo Suite et la pièce Landing. Yuka et Chronoship, moi, c'est un des albums que j'aime beaucoup, paru en 2018. Là. C'était pas mal dans mon top 5 pour Yuka et Chronoship. Et bon, on avait débuté avec le groupe américain Métaphore, là, un retour après 12 ans d'absence. Comme on en discutait avec Bruno Ordon, là, c'est assez différent de ce que c'était il y a 12 ans. Là. Ça a quand même pas mal changé. Il faut dire qu'il y a plusieurs pièces qui sont très différentes. Là. Celle-là était peut-être plus rock. Là, quand je choisis toujours les plus celle que je préfère, là, qui me parle le plus pour évidemment les présenter. On en aura un autre extrait dans le dernier bloc là, de cet album-là, de Métaphore. On va parler un peu des spectacles qui s'en viennent. En février, il y a un hommage à Rush, là, le fameux hommage Rush et Marillion, là, où ils reproduisent un spectacle là, qu'il y avait eu dans les années 80 avec Marillion, Misplaced Childhood et Rush, qui était Power Windows à ce moment-là. Ensuite, pour ceux qui veulent aller à Montréal ou qui habitent à Montréal ou qui ont le goût de revoir The Musical Box, le spectacle qu'on a vu, le superbe spectacle qu'on a vu les 4 et 5 janvier à Québec au Grand Théâtre, ben ça c'est le 8 et 9 à Montréal. Ensuite, à Québec, il y a le Neil Morse Band à la salle Sylvain-Lelièvre le 19 février. Le 23 février, il y a Mick Pointer Band. Mick Pointer, qui était le premier batteur de Marillion, qui sera à l'auditorium du Cégep FX Garneau, François-Xavier Garneau, à Québec, et qui présentera évidemment Script for Jester Steer. Ensuite, le 26 février, il y a Anne Parsons au Grand Théâtre de Québec. Ensuite, au mois de mars, de Flower Kings, à la salle Jean-Paul Tardy, le 21 mars, ça c'était le 1er mars hein, pour Flower Kings. Le 21 mars, il y a Mystery et Frost à Montréal et le 22 à Québec, c'est la salle Jean-Paul Tardy. Donc 22 mars, Mystery et Frost en programme double à Jean-Paul Tardy. Le 30 mars, il y a Arena à la salle Jean-Paul Tardy aussi. Donc ça fait déjà quand même pas mal de spectacles. Il y en a toutes les semaines dans le fond. Ensuite au mois d'avril, Dream Theater au Capitole, ça c'est déjà tout vendu. Il y a Red Sand le 7 avril au Centre d'art La Chapelle qui présenteront leur nouvel album Forsaken à cette occasion. Ensuite groupe allemand Riverside qui sera les 14 et 15 à Montréal et Québec. Et c'est à la, je pense, Sylvain-Lelièvre, à la salle Sylvain-Lelièvre à Québec, le 14, il me semble, ou le 15. Ensuite, justement, ceux qui sont le 15 avril dans la région de Montréal ou qui peuvent pas manquer ça, Nick Mason, Sauce Full of Secrets, ça a l'air. En fait, moi, j'adorerais aller voir ce spectacle-là, j'en suis convaincu. C'est une période de Pink Floyd que j'aime beaucoup et Nick Mason, c'est un personnage sympathique. Là, mythique drummer là, qui est toujours actif de Pink Floyd et qui revisite justement ces années-là, là, les premières années de Pink Floyd. Ensuite, c'est le Festival Terra Incognita, 15e édition. Alors, à l'occasion, on aura un doublé norvégien la première journée. Il y a ES Project, là, les deux Italiens, mais il y a une soirée norvégienne avec Oak et Bjørn Riis. D'ailleurs, on aura une pièce de Bjørn Riis un peu plus tard dans l'émission. Ensuite, ça, c'est le 17 mai. Et le 18 mai, au Centre d'art de la Chapelle, toujours, ES Project, et ensuite Basta de l'Italie, Is, le groupe américain Is, qui nous présenteront un nouvel album. Là, ça sera une primeur. On aura le lancement de cet album-là à cette occasion-là. Ensuite, les Norvégiens Airbag, dans lequel il y a Bjørn Riis, justement, qui vont clore la journée du 18 mai. Et le 19 mai, on revient avec les deux jeunes des ES Project. Ensuite, Inner Space. Inner Space, un groupe de Montréal, deux albums à leur actif. Fido, qui a fait peut-être un des meilleurs albums pour plusieurs là, de 2018, avec un beau retour après 7 ans, un album double, ça valait la peine d'attendre. Fido qui nous présentera donc ce nouvel album-là, et la trilogie en fait, puisqu'il y avait Doomsday Afternoon, cet album-là, et le premier disque qui faisait la trilogie, là, on les voit par les logos, mais j'imagine qu'il revisitera d'autres albums aussi. À cette occasion. Et pour clore le festival, 15e édition, Finistère avec André Orlando à la batterie, évidemment Fabio Zuffanti, c'est son groupe, c'est le premier groupe de Fabio, Finistère qui s'était transformé en Sonaten Project et finalement au Sonaten pour revenir donc aux racines de ce groupe. Bien hâte à ce festival. Puis même plus loin, il y a déjà même Steve Hackett, on en parlait l'autre jour, Steve Hackett est déjà annoncé pour le mois de septembre, en tout cas il s'y prend longtemps d'avance, pour les 40 ans de Spectral Morning et également l'intégrale de Singing Land by the Pound. Le rock progressif, ça roule. Ouais, ça roule pour vous aussi. Il y a le groupe, en fait, dans le temps des fêtes, moi j'ai eu l'occasion, on parle des top 15, mais il y a d'autres albums que j'avais mis un peu de côté. Je me suis mis à écouter The Tangent, le plus récent, Proxy. J'en avais présenté une première pièce. Là. Bon, j'étais un peu mitigé, c'est un peu jazzé, tout ça, mais là, je me suis mis à l'écouter comme il faut plusieurs fois. Mais j'avoue que j'ai adoré. D'ailleurs, j'ai toujours adoré The Tangent. Ça donne bien. Alors, on aura la pièce Proxy, la pièce titre de cet album-là, pour débuter le prochain bloc, après la pause, là, la petite pause publicitaire. On aura également un de mes albums coup de cœur de 2018, Oak Oscillazioni Alchemico Creative, avec une pièce qu'on n'a pas fait jouer encore, Un Valzer per il Mocenigo. Et on aura également la nouveauté de Tim Bonus, j'en parlais un peu tantôt, qui était complice avec Steven Wilson. Sur cet album-là, d'ailleurs, de Tim Bonus, mais il y a un paquet d'invités qui sont là. Il y a Peter Emil, Andy Partridge, qui était de Ecstasy, Kevin Godley de 10cc, Colin Edwin, qui était dans Porcupine Tree, Jim Mateos de Fate Warning OSI, David Longton de Big Big Train. Et l'album est mixé par Steven Wilson. Alors, on a un premier extrait, la pièce I Go Deeper de cet album, intitulée Flowers at the Scene, qui paraîtra le 1er mars. Ça terminera le prochain bloc. Mais après la pause, ce sera The Tangent. 89.1. En janvier, voyez au cinéma Le Clap si Beatles Street pouvait parler, dès le 4 janvier. Une femme d'exception est Marie, reine d'Écosse, dès le 11 janvier. Malek, dès le 18 janvier. Belle et Sébastien III, dès le 25 janvier. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Festival d'été de Québec, Spira, La Croisée, Centre d'art La Chapelle, l'Ampli de Québec. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. We'll be right back. Time. the bold and italics of God. And there will be no comeback for the things of which you're accused. You do it all by proxy, and the truth is just fake news. You never gave your minions cause to believe a word you say. Sock puppets like Roxy, they'll believe you anyway. Yeah, each other, so the masters of the world can take control of it. So when your nemesis gets a new missile, it's pretty certain you've got the plans from you. But you can't sit back and watch the cash roll. Some try to. a building at night. I'm trapped in a fiction, a slave to the fact. Tyburn's best wishes, abandoned paper dishes. I'm not waving back. I'm here, I'm sinking. I go deeper, sinking deeper. I'm floating through time. C'était Tim Bonus. Ça va être tiré de l'album Flowers at the Scene qui va paraître le 1er mars. Et cette pièce-là, c'était I Go Deeper, premier extrait. Donc, on y va avec une courte pause et au retour, un album d'un groupe de l'Argentine, un groupe que je connaissais pas, qui avait fait un seul album en 1978 et qui a fait un retour donc 40 ans plus tard là, avec un nouvel album. Ils ont été fondés à Buenos Aires en 1975 et c'est le groupe Bubu. Et l'album El Eco del Sol, paru en 2018, est apparu dans les compilations de quelques fans. Et j'ai eu l'occasion de l'écouter un peu récemment. Alors on aura une pièce de ce groupe d'Argentine au retour. On a également une pièce de Björn Riis, puisque comme je le disais tantôt, Björn Riis sera à Québec. On aura la chance de voir le 17 mai au Centre d'art La Chapelle en spectacle solo, et également avec Airbag le 18 mai dans le cadre du même festival. On aura donc la pièce Lullabies in a Car Crash, la pièce titre de son premier album. Et on aura également un autre disque de 2018 qui, franchement, est absolument excellent. Et Michel en avait fait jouer une seule fois dans l'année, puis c'est passé sous silence. Puis c'est le groupe Caravela Escarlate. Ils sont du Brésil et j'ai écouté cet album-là dans les dernières semaines. J'ai été waouh! Je regrette de ne pas l'avoir plus écouté parce que franchement, il y aurait eu des grosses chances de se retrouver dans mon top 15, celui-là, Caravela Escarlate. Donc, on y va en courte pause et au retour donc de l'Argentine, Bubu. Ensuite, Björn Riss et aussi du Brésil, Caravela Escarlate. CKRL 89.1. Québec. Prochainement au Bal du Lézard, le 19 janvier, Réglisse Noire. Le 26 janvier, Smoking Badgers. Le 10 février, Soirée DJ. Le 16 février, Ronda de Samba. Et le 23 février, SB Woody. Le bal, c'est aussi des 5 à 7 endiablés, des spéciaux sur les bières importées et de microbrasseries québécoises, des hot dogs euro, baby foot et autres plaisirs. Le Bal du Lézard à Limoilou. Lebaldulézard.com. Bal du Lézard. Votre radio vous suit partout. Téléchargez l'application de l'Association des radios communautaires du Québec et écoutez les stations de partout en province. Les radios communautaires, écoutez-les, découvrez-les. Disponible pour Android et iPhone. it slowly now. And don't be afraid. Lay down and rest your head. It's over now. So don't look back. Face the truth. I'm staying here with you when your heart is slowing down. When you try to hit the brakes and you know it's too late, you see your time and it's rushing. I need you now, so please stay with me. We'll be right back. pões viajar. E nas constelações a brilhar no céu, no ar, no mar refletir num olhar e mostrar. Vous voulez tout savoir sur les remparts, le Rouge et Or, les capitales, le sport scolaire et professionnel. Première Loge Sport est votre rendez-vous sportif au 89.1. Au menu, résultats, analyses et entrevues. Ici Dominique Girard en compagnie de Marie-Pierre Gosselin et de nos différents chroniqueurs. Je vous donne rendez-vous chaque mardi dès 15h30. Première Loge Sport. Cette émission vous est présentée par Alimentex, épicerie certifiée biologique avec produits de santé naturelle à Québec. 1188 1ère Avenue Limoilou, 88-529-7988. Alimentex.ca. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyne Audio, Focal, Grado. Audiolite. Toujours spécialiste en son et image. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. Alors, ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était le groupe brésilien Caravela Escarlate. C'est l'album éponyme. C'est du Brésil, paru en 2018. Et c'est leur second album. Le premier, il est pas, il est mentionné, mais il est pas chroniqué dans plusieurs. Peut-être difficile à trouver. C'est un nouveau groupe, donc, du Brésil. Et moi, je vous invite, là, si vous êtes amateur de Canterbury, allez faire un tour, écoutez ça, cet album-là, parce que c'est vraiment excellent. Juste avant, il y avait eu Beyond Riss, tiré de son premier album, Lullabies in a Car Crash, et la pièce titre. Et également, juste avant, le groupe Bubu de l'Argentine, El Eco del Sol, et la pièce titre de cet album. Vraiment excellent pour cette pièce-là. L'album, il est intéressant aussi. Franchement, là, comme je le disais, il y a plusieurs auditeurs qui ont aimé cet album paru en 2018. Pour poursuivre dans le dernier bloc, comme je vous avais dit, il va y avoir un deuxième extrait de l'album de Métaphore, ce groupe de San Francisco, qui font un retour cette année, là, en 2019 avec The Pearl. Et on aura la pièce Lying Down with Dogs. On aura également The Ancient Veil. Ancient Veil, qui était Iris Pluvia au départ, ont fait l'an dernier un live, Rings of Earthly Live. On avait déjà fait jouer la pièce Ancient Veil, une pièce qui apparaissait d'ailleurs sur la compilation là, qui va avec le livre que Michel Bilodeau écrit, Rock Progressivo Italiano Volume 1. Mais là, on écoutera l'autre suite, la superbe Rings of Earthly Light Suite. Et il y a même la chanteuse originale là, qui était sur l'enregistrement d'Iris Pluvia qui est là avec eux. Il y a même Fabio Zuffanti qui joue de la guitare sur ce spectacle avec les deux compositeurs principaux, Alessandro Seri et Edmondo Romano. Et ben, on terminera avec Prog Atom. Prog Atom, ça aussi, je l'ai réécouté. Là, j'en avais présenté une seule fois deux extraits dans une émission. L'album Spiral, c'est leur deuxième album de la Norvège. On aura une courte pièce, Jeg Air. Si vous voulez voir comment ça s'écrit, ben, allez faire un tour sur notre site www.terrainconitaire.québec, la section radio. Vous aurez les listes là, de tout ce qu'on fait jouer, puis les liens vers tous les podcasts. D'ailleurs, vous pourrez même aller voir les podcasts des émissions antérieures là, jusqu'au début des podcasts de CKRL en 2012, en avril 2012. Il y a plus de 300 podcasts là, qui sont disponibles. Alors, on y va tout de suite en musique, comme je le disais, avec le groupe américain Métaphore, ensuite The Ancient Veil et Prog Atom. Still alive. Revise myself from sound to sea. Let me speak.